le bal des ombres. Une vie parmi tant d'autres. Altesse, Alma. Ok. J'ai les yeux d'un enfant noir, les cheveux crépus, l'espoir dépité. Devant mes parents, le corps décapité. L'éclat de rire des blancs qui s'imprime dans ma tête. L'oppression de mes frères, ma nation qu'on a pris pour des bêtes. Le sang versé a dû souiller nos pâturages, l'orage n'est pas passé. La rage en moi, les yeux rouges, visage bouleversé. Je sens gonfler ma gorge devant les morts qu'on dégage. Je vois des gardes et des vieillards qu'on égorge. On vient me dire que cette terre est devenue une colonie et qu'ils en ont besoin pour faire fleurir l'économie. Mais qui sont-ils pour devoir tout saccager, nous mettre dans des cachots, de noter, pousser nos corps dans l'embargo. À fond de cale, quelques frères m'entourent attachés aux piliers. Le froid lacère mes joues, j'ai les genoux pliés. De jour en jour, les rats reviennent par habitude. Sur le bâton est crié, j'entends des pleurs, des voix se mettent à prier. Brisez-moi mes chaînes. On me jette sur le plancher des blancs, la tête plongée dans la fange. Dans ce pays civilisé qu'ils appelaient France, je vois des hommes et des femmes, des enfants qui me regardent, des doigts pointés vers moi comme si j'étais coupable. Je ne comprends pas, ils m'arrachent à ma vie, à ma famille, à mon pays, à tous mes frères, et maintenant me jettent des pierres. Qui sont-ils pour devoir juger les hommes? C'est la folie de tout un peuple qui nous déshonore. Je vois un enfant qui a peur. J'essaie de lui sourire, lui montrer que je suis bon, mais je n'en ai pas le cœur. Et devant moi apparaissent tous ces visages enneigés. J'ai l'impression de gêner, mais je suis enchaîné. Comment peuvent-ils détruire la race humaine? Pourtant nous sommes les mêmes, seul l'épiderme nous diffère. Mais nous respirons le même air. J'entends monter les voix de la foule qui exulte des insultes. À mon insu, je deviens martyr de leur culte. Brisez-moi mes chaînes. L'air d'un cajot, emmené un par un, tous mes frères fouillés par le bourreau. Je bois l'espoir, éclairé par la lune, et sur mes lèvres desséchées, j'ai le sale goût de l'amertume. J'ai mal au dos, la série de toutes parts, mais les blessures sont dans la tête. Le temps s'arrête, mais j'attends mon départ. Le jour se lève, le soleil est rouge. J'entends la clé dans la serrure, reviens me chercher, je vais sortir de la boue. Mais on m'attache et mes liens sont en fil barbelé. Je lève les yeux au ciel, implorant l'éternel. Comment peut-il laisser ses fils se plonger dans le vice? Pourquoi fait-il de son royaume le dôme de tous les sévices? Des visages pâles me poussent, me disent de monter sur l'estrade. La foule regarde mon corps, encore des mains qui me dégradent. Souvenir des cales, des navires qui font escale. L'histoire se souviendra de moi, je suis le dernier esclave. Brisez-moi mes chaînes. Thank you. chaînes.